Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ben voilà, je suis enrhumé. Oui, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Eh bien, j'ai pris froid en faisant du sport, je crois. Et depuis 2 ou 3 jours, j'ai la gorge et le nez qui piquent. La nuit, c'est horrible, j'arrive plus à avaler, ça me fait vraiment mal. Et hier, c'était insupportable. J'ai eu le nez bouché quasiment toute la journée. Je pouvais presque plus respirer. Bon, aujourd'hui, c'est mieux, mais j'ai le nez qui coule sans cesse. Je passe mon temps à me moucher. Ah oui, en effet, vous n'avez pas l'air bien. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai l'impression, et j'ai vraiment mal à la tête. Enfin, c'est au niveau du front que c'est douloureux, en fait. Et puis, depuis ce matin, je commence à tousser, ça me fait mal. Bon, ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Tout d'abord, dites-moi, est-ce que vous fumez? Oui, en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez ralenti votre consommation de cigarettes depuis quelques jours? Non, j'ai pas trop essayé non plus. Alors ça serait bien de limiter votre consommation de tabac, voire de la cesser complètement, car le tabac fragilise vos bronches. Je peux vous conseiller ces pastilles, qui aident bien à faire passer l'envie de fumer. Ok. Et pour le reste? Pour le nez, il faut vraiment que vous preniez le temps de le nettoyer régulièrement avec du sérum physiologique. Vous nettoyez, vous vous mouchez. Ça va vraiment vous soulager. Et puis, ça va aussi vous dégager les sinus. Et vous aurez moins mal à la tête. Oui, mais la douleur est forte. Je vous conseille de prendre du paracétamol, qui traitera à la fois la douleur et la fièvre. Mais attention, pas plus de 4 comprimés par jour. En outre, vous avez mal à la gorge et cela provoque une toux d'irritation. Vous pourriez sucer ces pastilles au miel pour calmer votre gorge. Et si la toux persiste, il serait bon que vous preniez 1 cuillerée à soupe de sirop 3 fois par jour. Et n'oubliez pas, il est important que vous buviez beaucoup pour éliminer. De l'eau, des infusions. De la tisane? Oh, je dois avouer que j'aime pas trop ça. Pourtant, la tisane de thym, c'est un bon antiseptique des voies respiratoires. N'hésitez pas à y ajouter du miel, c'est bien meilleur. Et en plus, ça suffit parfois à adoucir la gorge. Voilà. Et lorsque vous vous couchez, couvrez-vous bien pour ne pas prendre froid à nouveau. Et surveillez bien votre température. Et vous croyez que ça va être long à guérir? Quelques jours, tout au plus. Mais il est impératif que vous vous reposiez, que vous dormiez le plus possible pour que ça passe rapidement. Et si cela ne passe pas d'ici 3 jours, consultez votre médecin traitant. Bon, merci. Eh bien, je vais prendre ce que vous m'avez conseillé. Très bien, je vais vous chercher tout ça.